On a tous été stupéfaits en fin de semaine lorsqu'on a vu que l'autobus transportant les joueurs des Broncos de Humboldt, la Ligue Junior A de Saskatchewan, il y a eu un grave accident qui a coûté la vie à 15 victimes. Et on va parler avec un joueur qui a joué avec les Broncos de Humboldt pour nous parler de l'importance dans la communauté des Broncos. C'est Mathieu Boutin qui a été avec l'équipe en 2007. Salut Mathieu! Hey, bonjour. Mathieu, les Broncos de Humboldt, avant de parler un petit peu du chemin et ainsi de suite, ça semble vraiment, vraiment faire partie de la communauté. Ça semble une grande fierté, hein? Ben oui, parce que, écoute, c'est vraiment une petite ville, c'est une petite communauté, puis c'est un peu comme ça partout à travers la Ligue en Saskatchewan, je te dirais, là. Il y a 12 équipes junior A, puis c'est tout dans. Il n'y a pas beaucoup là-bas de grandes villes. Il y a Saskatoon, il y a Regina, mais après ça, on tombe déjà dans des plus petite communauté, donc le hockey junior a une grande importance, c'est une grande fierté un peu pour tout le monde là-bas à travers les différentes villes. Puis à Humboldt, c'est une équipe qui a eu beaucoup de succès là, dans les dernières années. Moi, depuis mon passage, on avait gagné la coupe à mon année. Après ça, 2 ans en ligne, ils se sont rendus à la finale de la coupe de la RBC, donc du championnat canadien. Donc c'est certain que ça fait que la communauté a une plus grande fierté, puis il y a un grand sport qui est là parce que c'est une culture, c'est une équipe qui avait une culture gagnante. OK. Puis les Broncos, si vous me corrigez, je me trompe, il y a beaucoup de monde qui allait au match. On parle de 1500 à 2000 personnes par match. Oui, c'était comme je te dis, là, c'était vraiment l'engouement était énorme. Quand on se promenait à travers la ville, les joueurs, on était reconnus un peu partout où on passait. Les gens s'informaient toujours de nos matchs, comment ça avait été la veille, on nous souhaitait bonne chance pour le lendemain ou pour le match du soir. Donc, c'était vraiment cool de pouvoir être là comme joueur. Mais c'est ça, la communauté vibrait, tout le monde était Broncos là-bas à travers la ville. OK. Si on parlait maintenant de. Comment ça fait que tu t'es ramassé là à Humboldt? Ben, moi, je suis parti parce que je visais un peu les universités américaines. Quand j'ai dans mon jeune temps, puis midget 3 ici, j'ai pas réussi. J'appartenais au Cotonou de Magog. À 16 ans, j'ai pas réussi à me percer une place dans l'alignement. Donc, je suis retourné chez nous midget 2A jouer cette saison-là. Puis après ça, ben, j'ai été approché pour aller jouer collégial dans un collège là-bas en Saskatchewan. Okay. Donc, ça s'est fait par pur hasard. Je suis parti jouer là parce que je voulais apprendre l'anglais, aller faire ma 12e année justement pour m'ouvrir les portes. Vers les universités américaines. Puis, c'est lors de cette saison-là là, où j'ai connu quand même une bonne saison qu'après ça, j'ai commencé mon stage junior. Je me suis promené un petit peu dans l'Ouest canadien. Okay. Puis, pour aller terminer après ça, ma saison à 20 ans avec les Broncos. OK. Si on parlait la route, ce qui s'est arrivé, est-ce que tu la connais? Ben, tu sais, on est passé là, oui, est-ce que je la connais non, par mais... cœur? Non. Oh, OK. En plus, ça fait quand même un petit bout de temps. Ouais. Mais c'est certain, comme je te disais tantôt, tu sais, la Saskatchewan, un, c'est les prairies, c'est toutes des petites villes, il n'y a pas beaucoup de... Mm-hmm. Donc, souvent, on prend des petites routes, c'est des routes secondaires où on voyage pour aller au match. Puis, c'est ça, là, à l'endroit où c'est arrivé, mais tu sais, c'est un accident... Bête, hein? Je pense qu'il y a des accidents de la route partout, là, tu sais, fait que c'est un accident qui est vraiment tragique, qui est vraiment incroyable, mais les circonstances, là, d'ailleurs, je les connais pas encore exactement, là. Je pourrais pas te dire ce qui s'est passé, mais c'est vraiment désolant, là, de voir les répercussions, puis... La gravité de l'accident. OK. Il y a plusieurs Québécois qui jouaient pour les Broncos, hein, qui ont joué pour les Broncos de Humboldt au fil des ans. Hein? Ben, tu vois, moi, je cherchais, là, je regardais parce que j'ai été un peu surpris là, de la tournure de ça, de toute l'attention qui a été portée à mon égard dans les derniers jours. Puis, il n'y en a pas tant que ça qui sont passés. Dans les 10-12 dernières années, mettons, il y en a quelques-uns qui sont passés jouer un match, trois matchs, sept matchs, mais okay. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en avait un, il y a un gardien de l'Abitibi, Mathieu La Rochelle, je pense, qui est un jeune d'Amos qui a été là l'année après moi. OK. Mais sinon, tu vois, c'est ça. Il y en a quelques-uns. Tu sais, le calibre junior A dans l'Ouest canadien est vraiment un calibre intéressant. C'est-tu aussi fort que le junior 3? C'est-tu aussi fort que le junior 3? Ouais. Je dirais que c'est un petit peu plus fort parce que moi, c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti à 20 ans là-bas. Okay. J'avais joué ici junior 3 à 18 à 19. Puis le nombre de 20 ans ici au Québec est plus bas que dans toutes les autres ligues ailleurs junior au Canada. Donc, ça me donnait un petit peu plus d'opportunités là, à 20 ans de pouvoir continuer à jouer junior. Puis c'est ça la première chose qui a fait que j'ai regardé pour entreprendre des démarches pour retourner dans l'Ouest. Okay. Mais donc, ce fait-là fait que le calibre est un petit peu plus relevé. L'autre chose, c'est qu'ici, pour avoir été dans différentes organisations junior 3, ben, c'est 2-3 pratiques par semaine. C'est pas toujours facile. Souvent, c'est en soirée ou c'est quand même tard parce que les gars travaillent, les gars ont de l'école. Tandis que là-bas, les joueurs, on est vraiment tout le monde est en pension, tout le monde est directement dans la ville, puis on pratique à tous les jours. Si on joue à l'extérieur, on voyage, on a un morning skate, on a une pratique le matin, les jours de match. Donc souvent, on voyageait la veille pour arriver, pour être capable de se reposer comme il faut, puis d'être en forme pour le match. On pratiquait le matin avant le match. Donc c'est une réalité quand même bien différente du Junior 3A, où les équipes, souvent, c'est en banlieue de Montréal, c'est proche. L'équipe voyage pas nécessairement tout le temps ensemble. C'est les gars qui s'arrangent avec leurs moyens de transport. Puis donc là-bas, c'est intéressant pour ça, parce que c'est vraiment plus... comme une petite ligue professionnelle, mettons, où les gars, on était très, très bien traités. OK, ben c'est clair, hein? Fait que c'est quoi, c'est 6000 personnes, une population. La ligue de Saskatchewan, c'est pas mal toutes des petites villes comme ça. Est-ce que vous jouez comme des équipes du Manitoba? Est-ce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de joueurs de Winnipeg également qui s'en allaient là, hein? Oui, ben il y a une équipe de Flin Flon. Il y avait beaucoup de joueurs aussi cette année, la décision qui venait de l'Alberta. OK. Donc, il y a Flin Flon dans la ligue, qui est une équipe, qui est une ville au nord, qui est près de la frontière de la Saskatchewan et du Manitoba, mais sinon, c'est toutes des équipes établies en Saskatchewan. OK. Toi, tu connaissais, je t'ai entendu dire à TVA que tu connaissais d'une famille de pension, quand tu étais là-bas, il y avait un jeune joueur qui fait maintenant partie de l'équipe maintenant, hein? Oui, exact. Moi, quand je suis arrivé au début de la saison, j'étais à la ronde. Qui est vraiment au nord de la province. Ça, c'est vraiment l'équipe qui est la plus loin. Puis dans cette famille-là, c'est là où j'ai été hébergé avec ce jeune-là qui, à l'époque, devait avoir 7-8 ans. Puis c'est un peu étrange, là. C'est ce qui m'a un peu frappé en fin de semaine, c'est qu'on a le même parcours, parce que moi, je m'étais fait échanger à 20 ans au fight parce que les Broncos avaient tout ce qu'il fallait pas mal pour aller au bout, mais il manquait un défenseur. Puis là, il était venu me chercher... pour essayer de pallier ce trou-là. Puis ils ont fait la même chose avec ce jeune-là qui jouait depuis 2 ans, je pense, à la ronge, ou 3 ans peut-être même, ouais. Et qui a été échangé cette année pour aller renforcer à la ligne bleue les Broncos, pour leur donner une chance de se rendre un peu plus loin cette année dans les séries. Donc, je trouvais ça quand même spécial là, que ce soit les mêmes circonstances qui l'aient amené là-bas, puis... qui fasse que malheureusement il a été impliqué dans l'accident, mais j'étais bien content là, parce qu'il s'en est sorti avec des blessures qui mettaient pas sa vie en jeu, donc c'était une bonne nouvelle, là, c'était rassurant de ce côté-là. Là. Ça n'empêche rien au drame que, ben oui. Que toutes les autres vont vivre, puis même pour les survivants, je pense que pour les survivants, ça risque d'être assez tough de se remettre de ça, de ce choc-là, puis de toutes les images qui risquent de les hanter ou de les marquer pour le reste de leur vie. Donc, j'étais heureux, là, j'ai vu ce matin, en suivant ça, j'ai suivi ça pas mal en fin de semaine, la Ligue qui a offert des services de soutien en aide de santé mentale aux joueurs à travers toute la Ligue. Parce que, comme je te dis, les joueurs, ils venaient pas nécessairement tous dans le boat. Donc, quand tu viens d'une petite communauté, tout le monde connaissait peut-être les joueurs. Ton hockey mineur, tu le fais avec un joueur, là, oups, junior, tu joues plus nécessairement dans la même équipe, mais tu connais des joueurs des autres équipes. Les joueurs qui vivent les transactions, ben, on se connaît. On connaît toujours des joueurs qui sont dans d'autres équipes. Donc, je pense que l'équipe et la province au complet en ce moment, là, doit vivre des moments très difficiles. Puis, c'est le fun de voir que les gens sont là pour offrir du soutien à ce niveau-là. Ben Mathieu, ça m'a fait plaisir de contacter, de te parler, que tu nous parles de ce que c'est jouer pour les Broncos en bas. Merci beaucoup, puis on va peut-être avoir la chance de se reparler un jour. Yes, ben je veux juste terminer là en vraiment donnant mes prières et toutes mes pensées, mes sympathies aux, ben oui, aux familles des victimes, puis à tous ceux qui sont touchés là-dedans. La communauté de Humboldt et l'organisation des Broncos, je leur souhaite bonne chance pour la suite des choses. Ben effectivement. Donc Mathieu Boutin qui a joué pour les Broncos de Humboldt.